Les cadeaux inutiles de O. Henry. 1,80 $, c'était tout. Là-dedans, il y avait 60 cents en petits sous. Des petits sous amassés un à un, arrachés péniblement, comme sous du franc, à l'épicier, au boulanger, au boucher, réclamés âprement et le rouge au front, le rouge de la honte, qui brûle les joues des pauvres lorsque de telles exigences risquent de les faire passer pour des pingres. 3 fois d'elle la reconta, 1,87 $, et c'était demain Noël. Il n'y avait évidemment plus rien à faire après cela qu'à s'étaler sur le petit lit métallique du ménage et à sangloter. Della n'y manqua pas. Puis, selon l'invariable loi des choses humaines, les sanglots se réduisirent à d'humides reniflements de plus en plus espacés et ceux-ci enfin cédèrent la place au sourire. Tandis que la maîtresse de maison contribue ainsi à illustrer, par un exemple infinitésimal mais intense, le principe évolutif de l'univers, jetons un coup d'œil sur son foyer. Un appartement meublé à $8 par semaine, l'un de ceux pour lesquels le mot « misère » n'a pas besoin d'être écrit sur la porte. Dans le vestibule en bas, il y a une boîte aux lettres, dans laquelle aucune lettre ne peut plus pénétrer depuis longtemps, et un bouton de sonnette électrique dont aucun index humain n'est plus capable de faire jaillir le moindre son. Il y a aussi à côté une carte portant le nom de Mr. James Dillingham Young. À l'époque, déjà reculée, de la grande prospérité durant laquelle le titulaire de ce glorieux nom jumelé gagnait des $30 par semaine, il faisait ronfler le Dillingham à tous les échos. Mais depuis que le revenu était tombé à $20, le premier équipier de ce tandem patronymique s'était tristement effacé, si bien que c'est tout juste si l'on pouvait lire maintenant James D. Young. Quoi qu'il en soit, chaque fois que Mr. James D. Ellingham Young rentrait chez lui, dans son appartement, il était tout bonnement appelé Jim par Mrs. James Dillingham Young, que nous avons déjà présenté sous le nom de Della. Et Della embrassait tendrement Jim, qui le lui rendait avec impétuosité, ce qui est parfait. Della, ayant tari ses larmes, se mit à réparer, à petits coups de houppette, les dégâts qu'elle avait causés à son joli visage. Debout près de la fenêtre, elle jetait de temps en temps un coup d'œil distrait sur un vieux chat gris qui cheminait lentement sur la crête d'un vieux mur gris de l'autre côté de la vieille maison grise. « C'est demain le 25 décembre et il ne lui reste $1,87 pour acheter à Jim un cadeau de Noël. » Pendant de longs mois, elle s'était forcée d'économiser jusqu'au dernier sou et voilà le résultat. On ne va pas loin avec $20 par semaine. Les dépenses, comme il arrive presque toujours, ont excédé ses prévisions. 1,87 $ pour acheter un cadeau à Jim, son Jim. Que de longues heures elle avait amoureusement passé à chercher ce qu'elle pourrait bien lui offrir de joli. Quelque chose de vraiment beau, de rare, de précieux. Quelque chose que l'on put en somme considérer comme presque digne de l'honneur d'appartenir à Jim. Sur la cloison, entre les deux fenêtres, se trouvait une petite glace murale, d'une largeur si exactement calculée qu'une personne fort mince et agile pouvait, à la rigueur, en observant son image grâce à une série de contorsions rapides autour d'un axe vertical, obtenir une approximation satisfaisante de son aspect extérieur. Della devait à sa sveltesse autant qu'à une longue pratique d'être passé maître en cet exercice. Soudain, elle se détourna de la fenêtre et se regarda intensément dans la glace. Ses yeux luisaient d'un sombre éclat, mais en quelques secondes, les couleurs avaient abandonné son frais visage. Rapidement, elle dénoua sa longue chevelure et la laissa tomber à ses pieds. Il faut vous dire qu'il y avait deux biens, pour ainsi dire matrimoniaux, dont les James Dillingham Young n'étaient pas modérément fiers. L'un d'eux était constitué par la montre en or de Jim, qui lui venait de son père et même de son grand-père. Quant à l'autre, c'était la chevelure de Della. Si la reine de Saba elle-même avait habité dans l'appartement en face, de l'autre côté de la cour, Della eut un jour laissé pendre ses cheveux par la fenêtre, sous le prétexte de les sécher, dans le seul but de ternir l'éclat des pierres et des ors de sa majesté. Et si le roi Salomon eût été le concierge de la maison, avec tous ses trésors empilés dans la cave, Jim n'eût point manqué de sortir sa montre chaque fois qu'il fut passé devant la loge, rien que pour voir le vieux Salomon se tirer la barbe de dépit. Donc, les beaux cheveux de Della s'écroulèrent autour d'elle comme une cascade d'eau sombre et luisante. De ses épaules presque jusqu'à ses chevilles, ils l'enveloppèrent d'un manteau souple et parfumé. Puis, d'un geste nerveux et rapide, elle les releva, les renoua, Pendant une minute, immobile, elle hésita, tandis qu'une larme glissait et s'écrasait sur le vieux tapis rouge. Alors, brusquement, elle enfila sa vieille jaquette brune, mit son vieux chapeau de feutre. Un instant encore, elle s'arrête devant la glace. « Allons !» Un vif demi-tour fait voltiger ses jupes. Elle ouvre la porte, prend son vol, le long de la rampe, jusqu'à la rue, toujours avec cet éclat sombre dans les yeux. L'immeuble devant lequel elle s'arrête porte cette enseigne. Mrs. Sofroni, cheveux et perruques en tout genre. Della escalade un étage et reprend son souffle avant de sonner. Une grosse femme, vaste, blême et rébarbative, vient ouvrir. Oui, c'est bien elle, Mrs. Sofroni. Malgré le violent contraste que forme son apparence avec le pseudonyme syracusain dont elle s'est affublée. « Voulez-vous acheter mes cheveux ?» demande Della. « Je suis négociante en tignasse, » dit Sofroni. « Ôtez votre chapeau que je jette un coup d'œil sur la vôtre. » De nouveau, la cascade sombre et luisante se déroule. « 20 $, » dit Sofroni, après avoir soupesé la marchandise d'une main experte. « Donnez, vite !» fait Della. Pendant les 2 heures qui suivent, Della vogue sur le char usé de la métaphore dans un éther extatique. À la recherche du cadeau pour son Jim, elle explore les magasins de la ville. Elle finit par le trouver. Celui-là, sans aucun doute, a été fabriqué spécialement pour Jim, à l'exclusion de toute autre personne. Elle n'a rien vu de semblable dans aucune des 19 boutiques qu'elle a dans sa course au trésor, bouleversée de fond en comble. C'est une chaîne de montres en platine, sobre et classique, tirant, comme il se doit, toute sa valeur de sa précieuse substance, plutôt que d'une ciselure outrageusement ouvragée. Oui, vraiment, elle est digne de la montre. Aussitôt que Della l'aperçoit, elle sent que la chose est faite pour Jim, sobre et précieuse comme lui. « 21 $, madame. » Elle s'enfuit, serrant son trésor et les 87 cents qui lui restent. Avec une pareille chaîne de montre, Jim pourra désormais regarder l'heure en n'importe quelle société. Si superbe que fût la montre, il arrivait parfois à Jim de la consulter en cachette, à cause de la vieille courroie de cuir qui servait de chaîne actuellement. Quand Della fut arrivée chez elle, son exaltation céda graduellement la place à la prudence et à la raison. Elle alluma le gaz, extirpa ses fers à friser et s'attaqua résolument à la tâche urgente qui consistait à réparer les ravages causés par l'amour et la générosité. Une tâche généralement gigantesque, mes amis, oui, une tâche presque toujours surhumaine. En moins de 40 minutes, d'innombrables petites boucles avaient couronné son chef, lui infusant ainsi une ressemblance étonnante avec un petit garçon qui fait l'école buissonnière. Le travail accompli, Della l'inspecta longuement et attentivement dans la glace. « Si Jim ne me tue pas tout de suite, quand il m'aura vu comme ça, il va me dire que j'ai l'air d'une danseuse de music-hall. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire avec 1 $ et 87 cents ?» 7 heures. Le café est prêt, et la poêle à frire, déjà chaude, attend ses victimes quotidiennes, en l'occurrence des côtelettes. Il n'est jamais arrivé à Jim d'arriver en retard. La chaîne précieusement chassée dans sa petite paume légèrement fiévreuse, Della s'est assise au coin de la table près de la porte d'entrée. Soudain, elle entend son pas dans l'escalier et pâlit brusquement. Selon sa touchante habitude en maint cas plus ou moins critique, elle fait une rapide prière, murmure « Mon Dieu, faites qu'il me trouve encore jolie !» La porte s'ouvre. Jim entre et la referme. Il est mince et grave. Pauvre vieux Jim, 22 ans seulement et déjà chargé de famille. Son pardessus réclame d'urgence un père mutant. Quant aux gants, il y a longtemps qu'ils ont été jugés superflus. Jim fait 3 pas, puis s'immobilise, pétrifié comme un chien de chasse au lapin à l'arrêt devant un sanglier. Ses yeux, démesurément béants, se fixent sur Della. Ils expriment un sentiment indéfinissable qui la terrifie. Ce n'est pas de la colère, ni de l'étonnement, ni du reproche, ni de l'horreur, ni rien de ce qu'elle attend. Il se contente de la regarder fixement de cet air étrange. Della, culbutant sa chaise, se jette dans ses bras. « Jim, mon chéri, » s'écrie-t-elle, « ne me regarde pas comme ça. J'ai fait couper mes cheveux, et je les ai vendus, parce que je n'aurais jamais pu voir arriver Noël sans t'offrir un cadeau. Ils repousseront. Tu ne m'en veux pas, dis. Je ne pouvais pas faire autrement. » « Mes cheveux repoussent très très vite. Dis-moi, joyeux Noël, Jim, et soyons heureux. Oh, tu ne sais pas quel joli, quel superbe cadeau j'ai acheté pour toi. » Tu as fait couper tes cheveux? Demande Jim laborieusement, comme s'il n'avait pas encore réussi à ingurgiter cette nouvelle d'une palpable évidence, malgré des efforts mentaux désespérés. Coupé, oui, dit-elle là, et je les ai vendus. Est-ce que tu ne m'aimes pas autant comme ça, Jim? Je suis tout de même ta Della sans mes cheveux, dit mon chéri. Jim jette dans la chambre des regards égarés. Tu dis que tes cheveux sont partis, fait-il d'un air presque idiot. Ne perds pas ton temps à les chercher, fait Della. Je te répète que je les ai vendus. C'est demain Noël, Jim. Ne sois pas fâché. C'est pour toi que je les ai sacrifiés. Peut-être, ajoute-t-elle avec un charmant sérieux, peut-être les cheveux de ma tête étaient-ils précieux, mais personne ne pourra jamais dire le prix de mon amour, Jim. Puis-je faire cuire les côtelettes? Brusquement, Jim semble tiré de son mauvais rêve. Il étreint sa Della. Détournons-nous discrètement durant les quelques secondes nécessaires à ces épanchements, dont aucune monnaie humaine ne peut estimer la valeur. Qu'importe, en de tels moments, le prix du loyer, $8 par semaine ou 1 million par an, pour nous, ce sera la même chose, malgré tout ce que pourront dire les mathématiciens et les railleurs. Il y aura bientôt 2000 ans, les rois mages apportèrent au divin enfant, qui babillait dans la crèche, des présents précieux et peut-être inutiles. Ce sont eux qui ont inventé l'art subtil des cadeaux de Noël, et comme c'étaient des sages, leurs présents furent, sans nul doute, inspirés par la sagesse. Peut-être sont-ce des sages aussi, ces deux grands enfants qui follement sacrient, mais poursuivons. De la poche de son pardessus élimé, Jim extirpe un paquet qu'il jette sur la table. J'espère que tu n'as pas douté un instant de moi, Della, dit-il. Il n'y a pas au monde de coupe de cheveux, d'ondulation ou même de shampoing qui puisse me faire aimer moins ma Della. Mais si tu veux bien ouvrir ce paquet, tu comprendras pourquoi je me suis montré un peu désorienté quand je suis entré tout à l'heure. De ses doigts blancs et agiles, Della fébrilement arrache la ficelle, déchire le papier, puis pousse un cri de joie extatique, suivi presque aussitôt, hélas, d'une crise de larmes et de sanglots, qui requiert l'application immédiate de tous les pouvoirs réconfortants du seigneur de la maison. Car là, sous les yeux de Della, se trouve enfin le peigne, le magnifique peigne qu'elle a si souvent admiré dans une vitrine de Broadway. Le peigne en écaille véritable, bordé de pierreries, qu'elle a si longtemps convoité pour orner sa chevelure. Un peigne qui coûtait cher, elle le savait, si cher qu'elle n'avait jamais osé espérer, malgré son immense désir, le posséder un jour. Et voilà qu'il est devenu son bien, sa chose, au moment même où les belles tresses qu'il devait orner sont tombées sous les ciseaux sophroniens. Silencieusement, elle le presse contre son cœur. Puis elle réussit à sourire et, levant ses yeux encore pleins de larmes, elle dit doucement « Mes cheveux poussent très très vite, Jim. » Et soudain, Della fait un bond, comme un chat qui s'est brûlé la patte en criant « Oh, oh !» Jim n'a pas encore vu le beau cadeau qu'elle vient d'acheter pour lui. Vite, elle le lui tend dans sa petite paume ouverte. Le précieux métal semble refléter soudain toute l'ardeur et la joie qui sont en elle. N'est-ce pas une merveille, Jim? J'ai fouillé tous les magasins de la ville pour la trouver. Il faudra que tu regardes l'heure 100 fois par jour maintenant. Donne-moi ta montre, que je vois l'effet qu'elle va faire avec ça. Au lieu d'obéir, Jim s'écroule sur le lit, met ses mains sous la tête et sourit. Della, dit-il d'un ton étrangement calme. « Laissons de côté pour le moment nos cadeaux de Noël. Ils sont trop précieux pour que nous puissions nous en servir tout de suite. J'ai vendu la montre afin de pouvoir acheter le peigne. Maintenant, si tu faisais cuire les côtelettes ?»« Peut-être, disais-je, sont-ce des sages aussi, ces deux grands enfants qui, follement, sacrifièrent l'un à l'autre les plus précieux trésors de leur foyer. Peut-être furent-ils aussi sages que les rois mages, avec leurs précieux cadeaux inutiles. » Ainsi s'achèvent les cadeaux inutiles de O. Henry.